François Morel, c'est à vous. Je voudrais revenir ce matin sur le scandale de la semaine. Je rappelle les faits. Monsieur Darmanin, sur Europe 1, commentant le discours de Valérie Pécresse de dimanche dernier, a déclaré « J'eusse aimé avoir une droite républicaine qui condamne des propos qui consistent à dire qu'il faut faire des Guantanamo ». Cette phrase ne va pas. Je ne ferai pas de commentaire sur le fond que l'ancien collaborateur au mensuel Politique Magazine, organe de presse maurrassien de l'Action française, dénonce la droitisation de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse qui, je le rappelle, avait quitté son parti qu'elle jugeait trop à droite quand Wauquiez le dirigeait pour finalement le doubler un peu plus sur sa droite au moment de la campagne présidentielle actuelle, nécessiterait une connaissance approfondie des subtilités politiciennes qui, hélas, m'échappent et si ça se trouve, échappe même à Yael Gauz, qui, comme la plupart des commentateurs politiques, doit observer la vie politique avec admiration et perplexité, comme les touristes sur l'île de Pâques se promènent parmi les monolithes sculptés sans chercher à comprendre. Non, je parle de la forme. J'eusse aimé avoir une droite républicaine ne va pas, car j'eusse aimé est la forme du plus que parfait du verbe aimer qui s'emploie forcément après la conjonction de subordination que. Il eût fallu que j'eusse aimé le boudin noir pour en manger, me faisait remarquer encore récemment Claude Ascolovitch à la cantine de Radio France. Là, permettez-moi de saluer la forme sans partager le fond, car si le boudin noir est la fierté de Mortagne au Perche, il est surtout un aliment merveilleux, riche en calcium, protéines, potassium et magnésium. Ne vous en déplaise, monsieur Ascolovitch. À l'instant, juste avant d'entrer en studio, le jeune Tristan Mendès France me fit cette confidence. Il eût fallu que j'eusse rajouté quelques calembours cocasses dans ma chronique Antidote afin de la muscler et ainsi me hisser à ton niveau d'humour incomparable, à ton génie indépassable. Là, bravo Tristan, élégance de la forme mariée à la puissance d'une pensée remarquable. Revenons à monsieur Darmanin. J'eusse aimé d'avoir une droite républicaine, j'eusse aimé. Pourquoi, monsieur Darmanin, convoquer un subjonctif? Pourquoi même le répéter fautivement? Sans doute pour faire riche, sans doute pour en mettre plein la vue au Pékin de téléspectateurs, alors qu'il aurait été suffisant et surtout simplement correct d'employer un indicatif, en l'occurrence un passé antérieur. J'eusse aimé avoir une droite républicaine, etc. Heureusement pour vous, monsieur Darmanin, votre déclaration a été prononcée sur l'antenne d'Europe 1, autant dire dans une relative discrétion. J'eusse aimé que vous l'eussiez énoncé ici et que vous eussiez été voué aux gémonies de cette cohorte de professeurs en retraite, de linguistes, de sémanticiens, de puristes, toujours branchés sur France Inter, en dépit de sa programmation musicale. Personnellement, on m'aurait demandé de réagir devant un tel scandale, j'aurais répondu de manière aussi expéditive que radicale, Darmanin démission. Merci François Morel. Vous êtes toujours en tournée, François. Oh bah oui, toujours. Hein, oui. Pour votre spectacle, j'ai des doutes. Biarritz, vous serez samedi, venez. Demain, c'est ça, au Pays Basque, paraît-il, ouais, sur exactement. La scène de la gare du Midi. France Inter.